Chapitre 15e. Lorsque B. Mascaron réunit en conseil ses honorables associés, Beaumarchais a l'habitude de revêtir ce qu'il nomme sa grande tenue. Outre que très souvent il est appelé pour donner des renseignements, et qu'il tient à paraître avec tous ses avantages, il a la vénération innée de la hiérarchie, et sait ce qu'on doit à ses supérieurs. Il garde, pour ses occasions solennelles, le plus beau des pantalons à la hussarde, qui n'a pas moins de 7 plis sur chaque hanche. Une redingote noire qui dessine sa taille mince et sa poitrine bombée dont il est si fier. Enfin, des bottes armées de gigantesques éperons. De plus, et surtout, il en pèse avec une vigueur particulière ses longues moustaches dont les pointes ont percé tant de cœurs. Ce jour-là, cependant, bien que prévenu depuis l'avant-veille qu'une assemblée aurait lieu, l'ancien sous-off, à 9 heures du matin, avait encore ses vêtements ordinaires. Il en était sérieusement affligé, et s'efforçait de se consoler en se répétant que cet acte d'irrévérence était bien involontaire. C'était la vérité pure. Dès l'aurore, on était venu le tirer du lit pour régler le compte de 2 cuisinières qui, ayant trouvé une condition, quittaient l'hôtel où B. Mascaro loge les domestiques sans place. Cette opération terminée, il espérait avoir le temps de remonter chez lui, mais juste comme il traversait la cour, il avait aperçu Toto Chupin, lequel venait lui faire son rapport quotidien, et il l'avait fait entrer dans la première chambre de l'agence. Beaumarchais supposait que ce rapport serait l'affaire de quelques minutes. Il se trompait. Si Toto n'avait rien de changé extérieurement, s'il conservait sa blouse grise, sa casquette informe, son ricanement cynique, ses idées s'étaient terriblement modifiées. Ainsi, lorsque l'ancien sous-off le pria de lui donner brièvement, car il était pressé, l'emploi de sa journée de la veille, le garnement, à sa grande surprise, l'interrompit par un geste narquois et une grimace des plus significatives. « Je n'ai pas perdu mon temps, » répondit-il, « et même j'ai découvert du nouveau. Seulement, avant de parler, avant de vous dire, eh bien, je veux faire mes conditions, là. » Cette déclaration, appuyée d'un expressif mouvement de main, abasourdit si bien l'ancien sous-off qu'il ne trouva pas un mot à répondre. « Des conditions, » répéta-t-il, la pupille dilatée par la stupeur. « C'est comme cela, » insista Chupin, « à prendre ou à laisser. Pensez-vous donc que je vais me tuer le tempérament jusqu'à la fin des fins pour rien, pour un grand merci? Ça ne serait pas à faire. On sait ce qu'on vaut, n'est-ce pas ?» Beaumarchais était exaspéré. « Je sais que tu ne vaux pas les 4 fers d'un chien, » exclama-t-il. « Possible. » « Et tu n'es qu'un petit misérable d'oser parler ainsi, après toutes les bontés du patron pour toi. » Toto Chupin éclata de rire. « Des bontés ! » fit-il de sa voix la plus odieusement rouée. « Oh là là ! Ne dirait-on pas que le patron s'est ruiné pour moi, pauvre homme ? Je voudrais bien les connaître, ces bontés. Il t'a ramassé dans la rue, une nuit qu'il tombait de la neige, et depuis, tu as une chambre à l'hôtel, un chenil. Il te donne tous les jours le déjeuner et le dîner, je sais bien. Et à chaque repas, une demi-bouteille de mauvais bleu qui ne tache seulement pas la nappe, tant il y a d'eau dedans. » Voilà comment Toto Chupin pratique la reconnaissance. « Ce n'est pas tout, » continua Beaumarchais. « On t'a monté une boutique de marchand de marrons. Oui, sous la porte cochère. Il faut rester debout du matin au soir, gelé d'un côté, grillé de l'autre, pour gagner 20 sous. J'en ai assez. D'ailleurs, il y a trop de chômage dans cet état-là. Tu sais bien que pour l'été, on t'installera un réchaud à pommes de terre frites. Merci, l'odeur de la graisse me donne mal à l'estomac. Que voudrais-tu donc faire ? Rien. Je sens que je suis né pour être rentier. » L'ancien sous-off était à bout d'arguments. « Je dirai tout cela au patron, nous verrons. » Mais cette menace n'impressionna nullement Toto. « Je me fiche un peu du patron, » répondit-il. « Il me renverra ? Bonne affaire. Méchant drôle. Tiens, pourquoi donc ? Est-ce que je ne mangeais pas avant de connaître le patron ? Je vivais mieux et j'étais libre. Rien qu'à mendier, à chanter dans les cours et à ouvrir les portières, je me faisais 1 000 francs par jour. On les buvait avec des amis, et ensuite on allait coucher à Ivry dans une fabrique de tuiles où la police n'a jamais mis les pieds. C'est là qu'on est bien, l'hiver, près des fours. Je m'amusais alors, tandis que maintenant... Plains-toi donc. Maintenant, quand tu surveilles quelqu'un, je te donne 100 sous tous les matins. Tout juste. Et je trouve que ce n'est pas assez. Par exemple... Oh, ce n'est pas la peine de vous fâcher. Je demande de l'augmentation. Vous répondez non. C'est très bien. Moi, je me mets en grève. Beaumarchais fut volontiers donner 10 sous de sa poche pour que B. Mascaro entendît Maître Chupin. « Tu n'es qu'un coquin » s'écria-t-il. « Tu fréquentes des sociétés qui te mèneront loin. Ne dis pas non. Il est venu ici te demander un certain Polyte. Pourtant, casquette cirée, accroche-cœur collé aux tempes, jolie cravate à pois. Je suis sûr que ce gaillard-là... D'abord, mes sociétés ne vous regardent pas. C'est pour toi ce que j'en dis. Il t'arrivera des désagréments, tu verras. » Cette prédiction parut révolter Toto Chupin. Elle cachait, il le comprenait bien, une menace fort sérieuse. « De quoi ? » fit-il, rouge de colère. « De quoi ? Qui donc me ferait arriver de la peine, le patron ? Moi, je l'engage à se tenir tranquille, Toto. C'est que vous m'ennuyez fameusement à la fin. Méchant drôle par-ci, garnement par-là, chenapan, coquin. Ah ça, qu'êtes-vous donc, vous et le patron ? Définitivement, vous me prenez pour un autre. Vous croyez peut-être que je ne comprends pas vos manigances et que je gobe les bourdes que vous me contez. Allons donc, on y voit clair, Dieu merci. Quand vous me faites suivre celui-ci ou celui-là pendant des semaines, ce n'est pas pour porter des secours à domicile, n'est-ce pas ? Qu'il m'arrive malheur, je sais bien ce que je dirai au commissaire. Vous verrez alors qu'un bon ouvrier vaut un peu plus de 100 sous par jour. Certainement, Baumard est un ancien militaire. Incontestablement, il est très brave. Il tire avec distinction la pointe et la contrepointe, mais il se laisse aisément démonter. La surprenante impudence de Toto lui donnait à penser que le précoce gredin obéissait à quelques conseillers expérimentés. Dès lors, il était impossible de calculer la portée de ses menaces. Ne sachant comment agir en cette difficile conjoncture, n'ayant pas de consigne, l'ancien sous-off pensa que le plus prudent, en tout cas, était de filer doux. « Enfin, demanda-t-il, qu'exiges-tu ? D'abord, je veux 7 francs par jour. Peste ! Tu vas bien, toi ? N'importe, je dirai tes prétentions au patron, et en attendant, je te donnerai aujourd'hui ce que tu demandes, ainsi tu peux parler. » Mais c'est avec le plus insolent dédain que le jeune garnement accueillit cette conciliante proposition. « Ah bah oui !» fit-il. « Quoi ? Vous espérez me faire jaser pour 40 sous ? Plus souvent. D'abord, je jure de ne pas desserrer les dents. Si vous ne me donnez pas immédiatement 100 francs. »« 100 francs ? » répéta Baumard, confondu. « Ni plus ni moins. Et en quel honneur te donnerait-on cette somme ? Parce que je l'ai gagnée, donc. » Beaumarchais faussa les épaules. « Tu es fou ! Que veux-tu faire de 100 francs ? À quoi les dépenseras-tu ? Sois tranquille. » Ce ne sera pas acheter de la pommade comme celle que vous mettez sur vos moustaches. Imprudent Chupin, touché à la moustache de Beaumarchais. Il allait recevoir un maître coup de pied, lorsqu'un léger bruit à la porte, resté entrebâillé, le fit retourner ainsi que l'ancien sous-off. C'était le père Tantaine, en personne, qui entrait. Brave et digne père Tantaine. Tel il était apparu à Paul dans sa mansarde, tel il était encore avec sa longue redingote noire, feutrée par des couches successives de graisse et de poussière, avec la flasque loque noire et luisante qu'il appelait son chapeau. Son éternel sourire voltigeait sur ses lèvres flétries. « eh bien, disait-il, qu'est-ce que cela signifie ? On se fâche, je crois, et les portes ouvertes encore ?» Intérieurement, Beaumarchais bénit la Providence, protectrice des causes justes, qui lui envoyait ce renfort. « Monsieur, commença-t-il, c'est Toto Chupin qui y prétend. J'ai tout entendu, interrompit doucement le père Tantaine. À ces mots, Toto jugea prudent de se reculer hors de portée. C'est un profond observateur que ce précoce gredin. Depuis des années qu'il vit en écumant le ruisseau de Paris, la nécessité a aiguisé sa pénétration naturelle. À trier de l'œil dans la foule ses dupes quotidiennes, il est devenu physionomiste, comme tous les gens dont l'existence est à la merci du caprice de ceux qui l'exploitent. Toto Chupin connaissait à peine B. Mascaro et s'en méfiait. Il méprisait prodigieusement Beaumarchais, dont il avait reconnu la niaiserie sous ses airs de matamor. Mais il craignait comme le feu ce doucereux Tantaine en qui il devinait un maître qu'on ne brave pas impunément. Aussi chercha-t-il bien vite à s'excuser. « Laissez-moi vous dire, monsieur, » hasarda-t-il. « Quoi ? » interrompit le bonhomme. « Que tu es un garçon intelligent, nous le savons. Qui empêche que tu finiras mal ? C'est que, monsieur, je voudrais de l'argent, c'est fort naturel. Peste ! Tu es un auxiliaire trop précieux pour se priver de tes services. « Allons, Baumard, vite, un billet de 100 francs à ce joli garçon. » L'ancien sous-off, stupéfait de cette générosité, allait certainement résister, mais sur un geste du bonhomme, que Toto n'aperçut pas, il s'exécuta et tira de sa caisse 5 pièces de 20 francs qu'il tendit au jeune drôle. Mais voici que Chupin n'osait plus prendre cet argent si impérieusement réclamé. Supposait-il qu'on voulait se moquer de lui ? Flairait-il un piège caché sous cette surprenante facilité ? « Prends !» insista Tantaine. « Si tes renseignements ne valent pas ce que tu demandes, je te repincerai. Tu parleras, à cette heure, j'espère. « Oh oui, monsieur !» fit Toto triomphant. « Cela étant, suis-moi dans le confessionnal, nous n'y serons pas dérangés par les clients. » On n'y voit pas fort clair dans le confessionnal de l'agence de B. Mascaro. Les rideaux verts qui entourent le grillage interceptent le jour, mais on y est pas mal. Il s'y trouvait un fauteuil à coussinets, deux chaises et une petite table. En familier de la maison, Tantaine s'empara du fauteuil, et s'adressant à Chupin qui restait debout, tortillant sa casquette, il dit simplement « Je t'écoute ». Le mauvais drôle avait repris son impudence habituelle. Ne sentait-il pas, à travers la toile de sa poche, les 5 louis de Beaumarchef ? « Il y a 5 jours, commença-t-il, que je surveille Caroline Chimel. Je la connais à présent comme ma tante. C'est une horloge pour les habitudes, cette femme-là, et les petits verres qu'elle boit marquent les heures. » Le vieux clerc d'huissier daigna sourire de la métaphore. « Elle se lève vers 10 heures, poursuivit Toto, prend son absinthe, déjeune chez le premier marchand de vin venu, sirote son café et fait sa partie de bésigue avec n'importe qui. Voilà pour la journée. À 6 heures sonnant, elle file au Turc et n'en sort qu'à la fermeture, après minuit, pour aller se coucher. « Au Turc ?» interrogea le père Tantaine. « À la table d'hôte de la rue des Poissonniers, quoi. Parlez-moi d'un établissement comme celui-là. On y trouve à dîner, à boire, à danser. Tous les agréments de la vie, enfin, sans se déranger. C'est d'un beau là-dedans à ce qu'il paraît. Comment est-ce qu'il paraît? Tu n'y es pas entré ?» D'un geste piteux, Toto Chupin montra son costume délabré. « On me refuserait au contrôle, » répondit-il. « Mais laissez faire, j'ai mon plan. » Tout en causant, le père Tantaine prenait l'adresse de ce séjour de délices. Lorsqu'il eut fini, « C'est là, » fit-il sévèrement, « ce que tu évalues 100 francs, maître Toto ?» Le garnement eut une grimace de singe méditant un méchant tour. « Attendez donc, bourgeois, » fit-il. « Pour mener la vie de Caroline, il faut de l'argent, n'est-ce pas ? Elle n'est pas propriétaire, cette fille. Mais moi, je sais où elle prend sa monnaie. » Le demi-jour du confessionnal permit au vieux clerc d'huissier de dissimuler la satisfaction que lui causait cette révélation. « Ah ! » fit-il sur 2 tons différents. « Ah ! Tu sais cela ? Un peu, bourgeois, et d'autres choses aussi. Écoutez l'histoire. Hier, après son déjeuner, voilà ma Caroline qui se met à jouer aux cartes avec 2 individus qui avaient mangé un morceau à une table voisine. C'étaient des lapins, allez, des vrais. Rien qu'à voir leurs mains tripoter les cartons, je me suis dit « Toi, ma bonne, tu vas te faire nettoyer. » Ça n'a pas manqué. Au bout d'une heure, elle était si bien à sec que, n'ayant plus le sou pour payer sa consommation, elle a offert au marchand de vin une de ses bagues en gage. Lui a répondu qu'il n'en voulait pas, ayant confiance. Alors elle dit « C'est bon, je monte chez moi et je reviens. » J'ai vu et entendu, j'étais au comptoir à prendre un canon. Et ce n'est pas chez elle qu'elle est allée. « Non, bourgeois, non. Elle sort, traverse tout Paris d'un pas de chasseur à pied, et va sonner droit à la porte de la plus belle maison de la rue de Varennes. Un vrai palais. On ouvre, elle entre, et moi j'attends. Sais-tu au moins qui l'habite, ce palais ? Naturellement. L'épicier du coin m'a dit que cet hôtel appartient au duc de... Attendez donc. Au duc de Chandos. Oui, c'est bien ce nom-là, Chandos. Un noble, qui apparaît-il, ses caves pleines d'or, comme la banque. Le père Tantaine n'est jamais si indifférent que lorsqu'il est sérieusement intéressé. Abrège, Toto, abrège, mon garçon. Chupin, qui avait compté produire une vive impression, parut très vexé. Faudrait me laisser le temps, répondit-il. Donc, au bout d'une demi-heure, ma Caroline reparaît, gaie comme un pinson. Une voiture passait, elle grimpe dedans et fouette cocher. Chien de fiacre, il allait d'un train. Heureusement, j'ai des jambes. Et j'arrive au palais juste pour voir Caroline descendre, entrer dans un changeur et changer 2 billets de 200 francs. Comment as-tu deviné cela? Tiens, on a des yeux, peut-être. Les papiers étaient bleus. Le bon Tantaine eut un paternel sourire. Tu te connais donc un billet de banque? Dit-il. Pourquoi pas? On a fait ses études le long des boutiques. Seulement, je n'en ai jamais manié. On dit que c'est doux à la main, comme du satin. Une fois, j'ai voulu savoir, et je suis entré chez un changeur pour lui demander de me laisser tâter un billet de 1000. Oh, rien que tâter. Il m'a donné une claque. Gredin, bas, mais je lui ai répondu. Tiens, pourquoi exposez-vous des fortunes en tas derrière une vitrine? C'est donc pour faire bisquer le monde. Mais le père Tantaine n'écoutait plus. C'est tout, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Minute, répondit Chupin. J'ai gardé le nanan pour la fin. J'ai à vous dire que nous ne sommes pas seuls à surveiller Caroline. Cette fois, Toto dut être content de l'effet. Le vieux clerc fit sur son fauteuil un tel bond que son chapeau tomba. « Pas seul, que me chantes-tu là ?»« Je chante ce que j'ai vu, bourgeois. » Depuis 3 jours, je voyais rôder autour de notre gibier un grand drôle avec une harpe sur le dos, et je me défiais. J'avais raison. Il a fait la course du faubourg Saint-Germain, lui aussi. » Le père Tantaine réfléchissait. « Un grand drôle » murmurait-il. « Un musicien ?»« Il y a du Perpignan là-dessous, où je me trompe fort. On verra. » Et s'adressant à Toto, « Il faut lâcher Caroline et filer le drôle à l'harpe. Sois prudent surtout. Allons, va, tu as gagné tes 100 francs. » Chupin sortit, le vieux clerc hocha tristement la tête. « Trop intelligent cet enfant, » grommela-t-il. « Beaucoup trop. Il ne fera pas de vieux os. » Beaumarchais ouvrait la bouche pour demander au père Tantaine de garder la boutique pendant qu'il irait se mettre en grande tenue, mais le bon vieux l'arrêta. « Bien que le patron n'aime pas être dérangé, » dit-il, « j'entre chez lui. Et quand ces messieurs arriveront, introduisez-les bien vite, parce que voyez-vous, monsieur Beaumard, la poire est si mûre que si on ne l'accueillait pas, elle tomberait. »